Chapitre 6. Ramor à mort. Pendant la visite de M. Dormer chez Mme de Saint-Aymar, un événement extraordinaire se passait au château de Plaisance. C'est ainsi que s'appelait la demeure de M. Dormer. Les domestiques causaient dans la cuisine quand ils virent arriver un nègre d'une quarantaine d'années, vêtu en matelot, grand, vigoureux, à l'air vif et décidé. Il entra sans en demander la permission, ôta son chapeau, s'assit et examina les visages qui l'entouraient. « Bon, ça, dit-il en se frottant les mains, tous bonne figure. Vous donnez à manger à moi. Ramor à mort avoir faim. Ramor à mort être fatigué. Moi pas voir Moussu Dormer. Moi pas voir petite mamselle. Pas voir bonne mamselle Pélagie. Et moi venir pour ça. » « Vous êtes fou, mon bonhomme, dit un domestique. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Que voulez-vous ? » Le nègre. « Moi avoir dit, moi Ramor à mort, moi veux manger, moi veux voir Moussu Dormer, voir petite maîtresse, mamselle Geneviève, moi voir bonne à petite maîtresse, et moi avoir faim. » Le domestique. « Vous ne comptez pas vous établir ici, je pense, mon cher. Ce n'est pas une auberge chez nous. » Le nègre. « Moi veux rester ici toujours, moi veux rester avec petite maîtresse. » Le domestique. « Il faut chasser cet homme, il est fou. » La cuisinière. « Non, Pierre, il n'a pas l'air ni fou ni méchant. Je vais lui donner à manger. Et puisqu'il connaît monsieur et mademoiselle Geneviève, il faut qu'il attende leur retour. » Le nègre riant. « Vous, brave femme, et moi, vous êtes amis. » La cuisinière se mit aussi à rire et plaça sur la table un reste de gigot, des pommes de terre, de la salade, la moitié d'un pain et un broc de cidre. Le nègre riait et découvrait ses dents blanches, que son visage noir d'ébène faisait paraître plus blanche encore. Il mangea et but avec un appétit qui fit rire les domestiques. Bientôt il ne resta plus rien de ce que lui avait servi la cuisinière. Ils entourèrent le nègre et lui firent une foule de questions. Ramor à mort tournait la tête à droite et à gauche, mais il n'avait pas le temps de répondre à une demande qu'on lui en adressait une autre. Il frappa un grand coup de poing sur la table et cria d'une voix de stentor. « Silence, tous! Moi et pas dix bouches pour répondre à 10 à la fois. Moi, va dire quoi j'ai fait. Moi, Ramor à mort, servais Moussu, Madame Dormer, moi servais petite mamselle Geneviève. Moi aimais beaucoup petite mamselle, très bonne, très douce pour pauvre nègre. Moi portais petite mamselle quand petite mamselle était fatiguée. Moi partir avec maître à moi, petite mamselle et mamselle Pélagie. Tous montés sur un grand vaisseau. Aller longtemps, longtemps. Vaisseau arrêté, moi nager et aller à terre. Vaisseau partir, laisser à mort tout seul. Moi vouloir rattraper maître et moi monter sur vaisseau plus grand. Mais grand vaisseau trompé pauvre moi et aller en arrière très longtemps, très longtemps. Moi m'ennuyer et devenir matelot. Moi arriver enfin dans la France. Capitaine dit « Voilà France, va chercher maître à toi. Toi, brave matelot, et moi, payez-toi. » Bon capitaine, maître dans la main à moi beaucoup pièces jaunes pour 3 ans. Moi ôter chapeau, dire adieu et aller chercher Moussu Dormer, Madame Dormer, petite mamselle. Moi pas trouver et marcher toujours. Moi arriver ici pas loin et demander Moussu Dormer. C'est ici, dit bonne femme, pas loin sur grand chemin, vous trouvez maison à Moussu Dormer. Moi dire merci à bonne femme et marcher et demander Moussu Dormer. Et moi enfin arriver chez Moussu Dormer. Et moi veux voir maître et petite maîtresse et mamselle Pélagie. Et maître bien content voir pauvre Ramor à mort. Et moi bien content et embrasser beaucoup plus fort petite mamselle. Je vois que vous êtes un brave homme, dit la cuisinière. Je vais appeler mademoiselle Pélagie. La cuisinière monta et redescendit quelques instants après avec Pélagie. Quand elle aperçut le nègre, elle jeta un cri. « Rame ! » s'écria-t-elle en s'élançant vers lui. Le nègre bondit de son côté, la saisit dans ses bras et l'embrassa avec un bonheur qu'il exprima ensuite par des rires, des sauts, des gestes multipliés. Tout le monde riait. Pélagie interrogeait, Ramor à mort répondait à tort et à travers. Pendant cette scène de reconnaissance, la voiture de M. Dormer s'arrêta devant le perron. Les domestiques, entendant la voiture, se précipitèrent tous dehors pour assister à l'entrevue du nègre avec Geneviève. « Qu'est-ce que cela ?» dit Monsieur Dormer. « Pourquoi sont-ils tous là ?» Les enfants étaient descendus de voiture et regardaient. Le nègre s'élança au-devant d'eux. Geneviève, en le voyant, se jeta dans ses bras. Après l'avoir embrassé avec des cris de joie, le nègre posa enfin Geneviève par terre. Geneviève. « Ram, mon pauvre Ram, comment, c'est toi ? Quel bonheur de te revoir ! Où donc as-tu été si longtemps ? Pourquoi nous as-tu quittés ?» Ram. « Pauvre petite mamselle, chère petite mamselle, comme vous grandis !» Ram plus porté, petite mamselle. « Où donc, maître à moi, Moussu Dormer, madame Dormer ?»« N'en parle pas, Ram, » dit Pélagie, qui était près de lui. « Ils sont morts tous les deux. Geneviève est chez son oncle, monsieur Dormer. » Le nègre consterné. « Mort, mort ! Pauvre maître, pauvre petite mamselle !» Toute la joie du nègre avait disparu. Une grosse larme coula le long de sa joue. Geneviève pleura aussi. La vue du nègre lui avait rappelé sa petite enfance et ses parents. « Que diable veut dire tout cela ?» dit enfin M. Dormer, qui avait été tellement surpris de cette scène qu'il était resté immobile ainsi que Georges. « Monsieur, » dit Pélagie en s'avançant vers M. Dormer, « c'est le pauvre Ramor à mort, ce nègre si fidèle, si dévoué, dont le frère et la belle-sœur de monsieur lui ont parlé tant de fois. Il était au service de monsieur et madame Dormer pendant les 5 années qu'ils sont restés en Amérique. Il s'est embarqué avec eux, n'ayant jamais voulu les quitter. Il a disparu pendant le retour, et jamais personne dans le bâtiment n'a su ce qu'il était devenu. Et le voici arrivé, sans que je sache comment il a pu nous retrouver. » Monsieur Dormer. « Ah, c'est lui qu'on appelait Ram. Je me souviens que mon frère m'en a parlé souvent. Et où allez-vous, mon ami ? Vous êtes marin, à ce que je vois. » Ram. « Moi plus marin, Moussu. Moi aller nulle part, moi rester ici. » Monsieur Dormer. « Comment ? Rester ici ? Chez qui donc ? » Le nègre. « Chez petite maîtresse, mademoiselle Geneviève. » Monsieur Dormer. « Mais Geneviève n'est pas chez elle, elle est chez moi. » Le nègre. « Ça fait rien, Moussu, moi rester chez vous. » Monsieur Dormer. « Si cela me convient. J'ai assez de domestiques, mon cher, je n'ai pas d'ouvrage pour vous. » Le nègre effrayé. « Oh, Moussu, moi faire tout quoi ordonnera Moussu. Moi pas demander argent, pas demander chambre, moi demander rien. Seulement moi servir petite maîtresse. Moi manger pain sec, boire l'eau, coucher dehors sur la terre, et moi être heureux avec petite maîtresse. Moi tant aimée petite maîtresse, si douce, si bonne pour son pauvre Ram. » Le pauvre nègre avait l'air si suppliant, si humble, que M. Dormer fut un peu touché de ce grand attachement. Geneviève, le voyant indécis, joignit ses supplications à celles de Ram. Elle pleura, elle se mit aux genoux de son oncle. Du côté des domestiques, M. Dormer entendait des exclamations étouffées. « Pauvre homme, il est touchant, cela fait de la peine. C'est cruel de le renvoyer. Je n'aurai jamais ce cœur-là. Quel brave homme ! Et la petite demoiselle, comme elle pleure ! Ça fait pitié, vraiment !» M. Dormer. « Voyons, Geneviève, ne pleure pas. Je veux bien le garder, mais que ce soit pour ton service particulier avec Pélagie, et qu'il ne vienne surtout pas m'ennuyer par des querelles avec mes domestiques. » Geneviève. « Merci, mon oncle, mille fois merci. Jamais je n'oublierai cette bonté de votre part, mon oncle, » ajouta-t-elle en lui baisant la main. M. Dormer l'embrassant. « C'est bien, Geneviève, tu es une bonne fille. Va installer ton ami, et vous, Pélagie, faites-lui donner une chambre et tout ce qu'il lui faut. » Pélagie. « Merci, monsieur. Je réponds que Ram sera reconnaissant toute sa vie de ce que monsieur fait pour lui aujourd'hui. » Geneviève baisa encore la main de son oncle et courut à son cher Ram, qui pleurait de joie de la retrouver et de chagrin de la mort de ses anciens maîtres. Geneviève. « Ne pleure pas, mon pauvre Ram. Nous allons être bien heureux. Tu ne vas plus jamais me quitter, et tu sais que je t'aimerai toujours. » Le nègre. « Oh oui, mamselle, Ram être bien heureux à présent. Pauvre maître à Ram. Moi, pleurer pas exprès, petite maîtresse. Bien sûr, pas exprès. » Et le pauvre nègre l'embrassait encore, la serrait contre son cœur en pleurant de plus belle. Il ne tarda pourtant pas à se consoler. Les domestiques, touchés de son attachement pour ses maîtres, lui témoignèrent leur satisfaction du consentement de M. Dormer. il leur offrit à tous ses services. « Ram, toujours votre ami, dit-il. Aujourd'hui, vous bon, lui, pas oublié, jamais. Ram, toujours là, prêt pour courir, pour travailler, pour aider, tous, tous. » Pélagie et Geneviève emmenèrent Ram dans leur appartement. Ils causèrent longtemps. Ram raconta son histoire. Pélagie et Geneviève racontèrent la leur, depuis 3 ans qu'ils s'étaient séparés. Enfin, il fallut descendre pour dîner. Geneviève embrassa une dernière fois son cher Ram, qui jadis avait été son ami et celui de ses parents, plutôt que leur serviteur. Pélagie arrangea avec Ram la chambre où ils devaient demeurer et qui tenait à leur appartement. Ram défit sa petite valise, se débarbouilla, démêla ses cheveux crépus, changea de linge, brossa ses habits de matelot et revint rayonnant près de Pélagie. Elle le mit au courant de la position de Geneviève dans la maison, du peu d'affection que lui portaient son oncle et Georges. Heureusement, ajouta-t-elle, qu'elle n'a pas à souffrir de privation d'argent, car ses parents lui ont laissé une grande fortune, et monsieur, qui est son tuteur, me donne tout ce que je lui demande pour elle. Ainsi, mon pauvre Ram, ne vous gênez pas quand vous aurez besoin d'argent ou d'effets d'habillement. Je vous fournirai tout ce qui vous sera nécessaire.